Assez de mal autour de nous, de larmes, assez de fous d'armes, assez de tout, de drames, de mauvais coups, de maux d'âme. Lassés des guerres entre hommes, lassés de vous, assez des loups que nous sommes tous. Alors qu'on a de bons atouts, message de paix, faut voir d'abord, faudrait avoir le bon auditoire. On sait que l'histoire se répète et que mon point de vue est toujours sombre et noir. C'est ma vision et c'est la vôtre à part quelques exceptions. Ceux qui voient la vie en rose car ils ont un défaut de réception. Ils nous ont divisé ces cons jusqu'à se sentir seuls. Trahis car l'individu ne compte pas. Ils veulent segmenter le peuple, partitionner les groupes, multiplier les inégalités, maîtriser les troupes, éviter la révolution alors qu'elle est déjà en route. J'pense que depuis 20 ans on ne fait que reculer l'échéance. Est-ce que tu en doutes? Franchement, c'est pas le seul état en cause, mais tu vois bien que la France ment. Assez de mal autour de nous, de larmes, assez de fous d'armes, assez de tout, de drames, de mauvais coups, de maux d'âme. Lassés des guerres entre hommes, lassés de vous, assez des loups que nous sommes tous. Alors qu'on a de bons atouts. Assez de mal autour de nous, de larmes, assez de fous d'armes, assez de tout, de drames, de mauvais coups, de maux d'âme. Lassés des guerres entre hommes, lassés de vous, assez des loups que nous sommes tous. Alors qu'on a de bons atouts. Assez de mal autour de nous, de larmes, assez de fous d'armes, assez de tout, de drames, de mauvais coups, de maux d'âme. Lassés des guerres entre hommes, lassés de vous, assez